Elles peuvent être naines ou géantes, voire super géantes, brunes, rouges, bleues ou jaunes, voire à neutrons. Elles carburent pour la plupart à l'hydrogène et à l'hélium, mais des astrophysiciens viennent d'en découvrir une nouvelle variété il y a quelques semaines, qui sont très enrichies en azote. Parce que oui, nous ne connaissons encore certainement pas tous les types d'étoiles présents dans l'univers, et même celles que nous connaissons recèlent encore de nombreux mystères. Nous allons donc passer l'heure qui vient un peu plus près des étoiles, comme le chantait à l'instant Anne de Biran, pour faire le point sur l'état de nos connaissances sur ces immenses moteurs à fusion nucléaire. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer la naissance, la vie et la mort des étoiles et ce que nous connaissons actuellement sur ces étoiles, donc, nous avons le plaisir d'accueillir autour de la table de la méthode scientifique Daniel Brio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicienne à l'Observatoire de Paris. Nous sommes également avec Michel Cassé. Bonjour à vous. Bonjour. Astrophysicien au CEA et à l'Institut d'astrophysique de Paris. Nous sommes évidemment, comme chaque jour, vous le savez maintenant, en direct sur Twitter. Vous pouvez nous suivre sur le compte @laméthode. FC. Et pour commencer cette émission, je le disais à l'instant dans la présentation, les étoiles que nous connaissons, sans parler de celles qu'il nous reste à découvrir, n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Alors, ma question est la suivante. Daniel Brio, Michel Cassé, quelle est pour vous l'inconnue la plus passionnante, celle que vous aimeriez voir lever grâce aux prochaines observations, aux prochaines études? Daniel Brio. Bon. Beaucoup vaste de choses. Question, ouais. Oui, oui, vaste question. Mais enfin, comme ça, on est sûr qu'on aura toujours du travail. C'est magnifique, hein. Voilà. Et ben, pendant très longtemps, depuis très très longtemps, je travaille sur les étoiles chaudes, donc qui sont des étoiles très massives, très bleues, très chaudes, qui ont une vie très courte. Et certaines de ces étoiles, on sait qu'elles ont une enveloppe gazeuse autour. Et ça fait très longtemps qu'elles ont été découvertes. Et on ne sait toujours pas la cause. Comment cette enveloppe gazeuse a été formée? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Est-ce que toutes les étoiles, enfin, pourquoi certaines étoiles ont ça et pas d'autres, etc. Ces étoiles qui tournent très vite, mais ça suffit pas à expliquer ça. Et ben, c'est une énigme. Donc, ça, une énigme persistante. Votre énigme à vous, c'est l'enveloppe gazeuse des supergéantes bleues. L'une des énigmes que vous aimeriez voir lever. Absolument. Michel Cassé. Eh bien, moi, je voudrais savoir comment les étoiles explosent et dispersent dans l'espace les produits de leur œuvre. Notamment, je voudrais bien connaître l'influence des neutrinos, qui sont des particules qui vous traversent à raison de 60 milliards par seconde et par centimètre carré. Vous ne sentez rien, eux non plus. Et pourtant, ce sont les déclencheurs d'explosions d'étoiles. Donc, je voudrais comprendre le rapport entre les neutrinos et les supernovae. Voilà donc deux questions que nous allons réaborder tout à l'heure, tout au long de cette émission. Les supernovae, les explosions de ces supergéantes et la façon dont elles ensemencent tout l'espace alentour sur des dizaines de milliers, voire de millions d'années-lumière. Et la constitution des supergéantes. Voilà deux problèmes que nous allons aborder. Mais commençons, si vous le voulez bien, par refaire un petit état des lieux, hein, reparler un peu de ce que l'on sait du béaba de l'étude des étoiles. Quelles sont aujourd'hui les catégories d'étoiles que nous connaissons? Combien y en a-t-il et en quoi diffèrent-elles les unes des autres, Daniel Brio? Alors, la classification des étoiles est évidemment un très très ancien problème et qui a commencé dès qu'on a fait de la spectroscopie. À ce moment-là, on a eu les spectres des étoiles, on a pu savoir quels étaient les composants des étoiles, et ça, c'est vraiment le début de l'astrophysique, c'est un progrès absolument énorme. Mmh. Hein, et il y a eu le problème tout de suite de classer, dès qu'on a eu des spectres, il s'agit de classer les étoiles. Alors, c'est qui un astronome italien qui, au cours du 19e siècle, a commencé à faire des classifications, etc. Mais ce qui a été très important, c'était la classification de Harvard, donc au début du 20e. Et alors, c'était, il y avait un homme et puis plein de femmes. Parce que les femmes, elles étaient plus soigneuses et on les payait moins. Et alors, voilà. Cette classification des étoiles, qu'est-ce qu'elle nous dit? Au bout du compte, c'était pas si simple que ça, parce qu'on a pensé à classer les étoiles à partir des raies d'hydrogène. Et en fait, on pensait que les étoiles les plus chaudes avaient les raies d'hydrogène les plus intenses. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était plus compliqué que ça. Ce qui fait qu'on a mis des lettres hein, commençant par A, B, etc. Mais on s'est rendu compte après qu'il y avait des lettres qui disparaissaient, qu'il a fallu intervertir. Et maintenant, les étoiles sont classées O, B, A, F, G, K, M. Voilà, ça, c'est les étoiles les plus normales, disons 98% peut-être, ou plus que ça, des étoiles qui nous entourent. Alors, pour s'en souvenir, pour se souvenir, il y a une phrase, c'est en anglais, voilà, O, B, A, fine girl, kiss me. Voilà, O, B, A, F, G, K, M. Et puis, alors, les féministes américaines n'étaient pas d'accord. Mm-hmm. Parce que, c'est vrai que c'était vraiment tout à fait, voilà. Alors, c'est O, B, A, fine guy, ou soit un bon gars, embrasse-moi. Mm-hmm. Voilà, ou O, B, A, fine gay. Comme ça, tout le monde est content, il y en a pour tout le monde. Voilà. Bon, alors ça c'est pour... Mais c'est quand même... Voilà, donc ça c'est vraiment la base. Ce qui veut dire que les étoiles les plus chaudes, les étoiles O, sont les plus massives. Ce qui est important, c'est la masse. Ça, c'est l'élément... Voilà. Quand l'élément de classification est formée, premier, oui, c'est la masse. La masse à l'origine, hein, quand elle est formée. Donc, les étoiles les plus massives sont les plus chaudes, les plus bleues, et tout se passe en accéléré, et elles vivent les moins longtemps. Elles ont des rayons extrêmement très grands. Oui, extrêmement très grands. Hein. Alors, par rapport à notre Soleil, pour donner un outil de mesure... Vous précipitez sur votre petit pinceau, peut-être que Michel Cassé peut répondre. Non, je vais parler de leur masse. Oui, d'abord. Les masses, d'accord. Alors, les masses. Donc, les étoiles de masse, disons, les plus faibles. Alors, on repart dans le sens inverse. Oui. On part rouges, des plus petites. Comme Daniel le dit, et les plus petites ont une masse d'un dixième de la masse du Soleil. Et les plus massives sont de l'ordre de 100 fois la masse du Soleil. On ne sait pas très bien quelles sont les étoiles les plus massives. Parce qu'en fait, on ne connaît pas bien la limite maximale. Parce que quelquefois, on dit qu'il y a une étoile très très massive qui s'est formée. Et après ça, on se rend compte qu'en fait, c'est des étoiles multiples. Tout à fait. Voilà, mais donc c'est très intéressant de savoir qu'on ne connaît pas la masse ultime. Je voudrais qu'on évite erreur. Oui. C'est qu'une étoile bleue est plus chaude qu'une étoile jaune. Et une étoile jaune est plus chaude qu'une étoile rouge. Il ne faut pas confondre le code stellaire, le code de température des étoiles et du physicien avec le code du plombier. Donc, en astrophysique, bleu veut dire chaud. Ça, c'est pour la spectrographie. Oui. Parlons peut-être aussi des tailles d'étoiles, puisque vous nous dites donc aujourd'hui que bleu, c'est plus chaud que jaune, qui est plus chaud que rouge. Non, c'est la photométrie. C'est la photométrie, pardon. Oui, la spectroscopie est différente. C'est la photométrie. Les atomes sont autant comme des violons. Bien sûr. Ils émettent des notes de lumière. Et donc, nous lisons le spectre. Décomposé par quelque chose qui ressemble, si vous voulez, à un prisme, qui est plus compliqué. Mais chaque note est la signature d'un atome particulier. Donc nous n'avons pas besoin de nous déplacer et nous sommes en mesure de comprendre ou de connaître la composition des étoiles. Et ces étoiles sont faites exactement de la même chose que nous. Donc nous sommes cendres et poussière peut-être, mais cendres et poussière d'étoiles. C'était la célèbre phrase de Carl Sagan qui disait que nous sommes tous des poussières d'étoiles. Tout à fait. Puisque tout, reprise largement par Hubert Reeves, mais voilà, vous avez raison. Des atomes qui composent viennent, et c'est votre travail de la nucléosynthèse. Au cœur des étoiles. Au cœur des étoiles. Donc les étoiles sont... Et maintenant, c'est plus beau que n'importe quelle mythologie. Absolument. L'homme, mais c'est vrai, c'est magnifique. Oui, oui, tout à fait. Alors, on va parler de ce qui se passe et des réactions nucléaires et chimiques qui se passent à l'intérieur du cœur des étoiles. Mais je voudrais juste qu'on dise un mot, puisqu'on a parlé des couleurs, de la taille des étoiles. Parce qu'on parle des supergéantes bleues, on parle de supergéantes rouges aussi, de naines bleues, de naines rouges, de naines brunes. Non, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu tout ça, faire un peu le tri là-dedans, Michel Cassé? Les plus petites sont des naines blanches, mais ce sont des étoiles solides, presque de diamants. Les étoiles, de manière générale, sont gazeuses. Alors, on peut se demander... par quel miracle ? Parce que la densité du Soleil est celle de l'eau. Et on pourrait imaginer que le Soleil est liquide, alors où le Soleil est aqueux. Mm-hmm. En aucune manière, il est véritablement gazeux parce que les atomes sont décomposés. C'est ce qu'on appelle l'état de plasma. Mm-hmm. La matière est ionisée, donc la distance entre les éléments distincts, donc les électrons et les noyaux d'atomes, est telle que l'on peut considérer le milieu comme un gaz parfait. Mais il existe des étoiles qui ne le sont pas. Par exemple, les plus petites étoiles que l'on connaît sont les étoiles à neutrons, dont la taille est de 10 km. Et ce sont... Ils sont extrêmement denses. Extrêmement denses. Ensuite viennent les naines blanches dont le rayon est de 6000 km à peu près, comme une Terre. Qui sont le produit de l'effondrement d'une étoile en fin Absolument. De vie. Absolument. C'est le cœur de carbone et d'oxygène d'une étoile effondrée. L'étoile à neutrons est le cœur effondré d'une étoile. Mais c'est un cœur de fer qui s'est effondré. Chaque étoile est un alchimiste qui combine les protons et les neutrons pour en faire des noyaux d'atomes. En fait, les étoiles sont les lieux où la matière devient plus complexe. Elles brillent parce qu'elles transmutent les éléments. On en reparlera tout à l'heure. Continuons vite fait cette classification pouvoir ensuite terminer. Un soleil, 700 000 km de rayon. Mmh. Ensuite, une géante rouge, 100 rayons solaires, 100 fois le soleil. Mmh. Et au-delà, bien au-delà. Et au-delà, super géante, bleue. Oui. Et on sait, comme le disait à l'instant Daniel Brio, on ne sait pas exactement quelle est la limite maximum. 100 masses solaires, en gros. 100 masses solaires, pour le moment, c'est le maximum qu'on ait pu observer. Oui, c'est ce que j'ai calculé pour la masse. Au début de l'univers, il se pourrait que les étoiles aient été beaucoup plus massives. Mais c'est encore une spéculation. Alors, puisque vous le dites maintenant, Daniel Brio, je me retourne vers vous. Au début de l'univers, Big Bang, 13,7 milliards d'années à peu près. Les premiers, 13,8. Non, précisément. Précisément, 13,8. Mesuré par Planck, par le satellite Planck. Les premières étoiles apparaissent quand ? Comment apparaissent ces premières étoiles ? Premières étoiles, alors il y a déjà la formation. Bon, déjà, il a fallu trouver des grumeaux dans l'univers. Parce que dans l'univers, si c'était complètement homogène, il ne se serait rien passé du tout. Hein. Alors, les premières étoiles se sont formées. Bon, des étoiles massives se sont formées. Ont été, évidemment, très vite. Elles évoluent très, très vite. Alors, elles forment... Au cœur des étoiles, on forme des atomes. On commence avec des atomes d'hydrogène, un peu d'hélium. Hein. Tout ça, c'est, au cœur de l'étoile, c'est complètement ionisé. Et une étoile, c'est une gigantesque bombe atomique, c'est une fusion. Donc, ils forment des atomes de plus en plus lourds, de plus en plus dans le noyau, de plus en plus gros, important, avec de plus en plus d'éléments. Et puis, quand l'étoile explose, les éléments vont dans l'espace interstellaire et reformeront d'autres étoiles, dont des soleils, avec des systèmes planétaires. Ce qui fait qu'on est sûr que nous, on est forcément une étoile secondaire. On ne peut pas être une étoile primaire. Puisqu'il y a un système solaire. Puisqu'il y a un système solaire. Mmh. Voilà. Et que, donc, on est forcément... le système, au début, nous, on n'est pas formé que d'hydrogène et d'hélium. Ça serait un peu léger. Voilà. Donc, on est sûr qu'on est... C'est pour ça qu'on dit qu'on est les enfants des étoiles. Parce qu'on est sûr qu'on a été formé, pas dans le Soleil, mais dans une autre étoile qui a formé les éléments, qui a formé le système planétaire et le Soleil. Oui. Michel Gassé. Donc, on pourrait dire que les étoiles sont les mères des atomes. Mais on peut se demander si l'étoile a un précurseur, quel est le père ou la mère des étoiles ? Eh bien, le père ou la mère de l'étoile, c'est le nuage. Alors, je dis père ou mère parce que je n'ai jamais su discerner le sexe des nuages. Les nuages de gaz. Voilà, des nuages de gaz et de poussière. Les étoiles sont comme les chats, les rats ou les souris, elles naissent par lignées. Donc, les étoiles accouchent de lignées d'étoiles. Et les étoiles donc, produisent leur œuvre et elles dispersent dans l'espace les produits de leur travail. Si bien que les nuages alentour s'enrichissent progressivement en carbone, azote, oxygène, etc., éléments susceptibles de donner la vie. Et de génération en génération, le terreau, c'est-à-dire les nuages de la galaxie, s'enrichit jusqu'au moment où la teneur en éléments lourds devient égale à 2%. Et observationnellement, nous avons un exemple qui prouve qu'à partir de ce moment-là, la matière commence à penser. Alors, à penser, c'est-à-dire à commencer à se concentrer et... La composition de notre environnement est assez pauvre finalement en éléments lourds, c'est-à-dire supérieur à l'hydrogène et l'hélium qui sont les éléments primordiaux dont parlait Daniel. Qui sont des atomes très simples, il faut le rappeler. Très simples, c'est les atomes les plus simples. Donc le Big Bang produit le 1 et le 2 et avorte immédiatement parce que la progéniture de l'hélium, 1 c'est l'hydrogène, 2 c'est l'hélium, la progéniture de l'hélium est instable. Mmh. Et donc, il faut c'est attendre donc les deux premiers éléments chimiques du fameux tableau de Mendeleïev. Oui, mais on pourrait se dire, deux héliums, ça donne du béryllium-8, il s'avère que le béryllium-8 est instable. Trois héliums, les étoiles sont des mathématiciennes. Mm-hmm. 3 fois 4 égale 12, 3 héliums égale carbone. Carbone égale 12, 6 protons et 6 neutrons. Mm-hmm. Mais les réactions triples ne peuvent pas se faire dans le Big Bang parce que la réunion de trois noyau d'hélium est défavorisé dans la mesure où l'univers est en expansion et il faut que l'étoile rassemble la matière et la compacte pour que les réactions triples se produisent. Ainsi naît le carbone et le carbone est essentiel à la vie. Le carbone plus un hélium, carbone 6 plus 2 égale 8, carbone plus hélium donne oxygène, l'oxygène que nous respirons et ainsi de suite. Jusqu'au fer. Etc. Jusqu'au fer. Donc, le fer est le dernier élément produit de cette manière. Produit par les réactions. C'est le roi de la réalité. Au cœur de l'étoile. Au cœur de l'étoile. Après, c'est un autre processus, parce qu'il faudra parler de l'or. D'où vient l'or? Ça, plus chic que le fer, t'as raison. On c'est en parlera plus intéressant que le fer. Moi, je trouve ça absolument passionnant que du fer se passe dans le noyau. Je pourrais m'arrêter au fer. Mais on parlera de l'or si vous le voulez. On parlera surtout tout à l'heure un peu, justement, de ce processus de formation dont on verra qu'il n'est pas encore tout à fait connu. C'est-à-dire, comment est-ce que ces nuages de gaz interstellaires, à un moment donné, il y a un effet de concentration? Il faut qu'il y ait une cause de déstabilisation. Parce que le nuage est stable et il faut qu'il y ait une cause de déstabilisation. Alors, évidemment, c'est tout à fait étudié en ce moment, puisqu'on veut surtout savoir comment se forment les systèmes planétaires. Maintenant qu'on sait qu'il y a des systèmes planétaires, donc on étudie spécialement en ce moment, c'est-à-dire que la formation, pourquoi il y a un choc, enfin quelque chose qui fait que ça cesse d'être stable et que l'étoile se forme. Et que les choses se recompactent et se densifient. Mais ça, on en parlera tout à l'heure, si vous voulez bien, parce qu'on a quelque chose. Mais oui, très bien, restez avec nous. Vous saurez tout de la formation des étoiles et vous saurez tout aussi de leur destruction qui est passionnante, parce qu'on ne sait pas encore non plus peut-être si bien comment ça marche. Avant ça, j'aimerais vous faire dire un mot tout de même, parce que je trouve ça très joli, puisque je sens poindre sous la surface de votre discours, Michel Cassé, une aspiration poétique. Et comment ne peut-on pas être poète quand on est astrophysicien? Les deux sont tellement contigus, finalement. Pourquoi parle-t-on du chant des étoiles, par exemple? Mais là, je serais peut-être un peu plus circonspect, parce que le son ne se transmet pas dans l'espace, donc on n'entend rien. Mais on peut analyser les vibrations des étoiles à partir de techniques acoustiques, finalement. Mm-hmm. Bon, par exemple, le soleil brille. Donc, s'il brille, c'est qu'il brûle, et s'il brûle, c'est qu'il périt. Donc, le soleil est mortel. Maintenant, ça, c'est une première indication philosophiquement très importante. Mm-hmm. La deuxième chose, c'est que le soleil vibre, et sa lumière vibre aussi. On appelle ça les oscillations solaires. Et donc, on peut traiter cela, si vous voulez, en utilisant les méthodes de l'acoustique, c'est-à-dire l'analyse harmonique. C'est-à-dire qu'on utilise les instruments méthodologiques et mathématiques de l'acoustique pour expliquer les vibrations. Et notamment, alors il y a beaucoup plus beau encore, ce sont les anomalies, ou plutôt les anisotropies, les différences de température d'un point à l'autre du rayonnement cosmologique fossile qui est une sorte d'écho de l'explosion originelle. Du Big Bang, absolument. Et on applique les méthodes de l'acoustique pour déterminer les propriétés physiques de la membrane qu'était l'univers à ce moment-là, parce qu'il vibre comme un tambour. Mmh. Donc, vous voyez, en fait, on passe de la lumière au son, son et lumière, finalement. Et ce qu'il faut dire, c'est que cette vibration, qu'on connaît depuis assez peu de temps, qu'on a identifié il y a assez peu de temps, si je ne me trompe pas. Sur les étoiles. Alors, je voudrais dire, là, il y a toute une équipe, beaucoup, les Français sont très bons pour ça. Il y a toute une équipe d'astrophysiciens, des équipes d'astrophysiciens qui travaillent là-dessus. Et alors, il y a quelques années, on a lancé le satellite Corot, qui était à l'origine française, et qui avait deux buts. Le premier but était justement d'étudier les vibrations des étoiles, ce qu'on appelle l'astrosismologie. Et le deuxième but était de détecter des planètes extrasolaires. Voilà. Et les deux sont combinés. Et de toute façon, quand Kepler, qui détecte le gros satellite américain qui déteste les planètes extrasolaires, s'intéresse aussi aux vibrations des étoiles pour pouvoir voir si c'est vraiment une planète ou si c'est lié à les irrégularités de l'étoile. Donc c'est très très important d'essayer de comprendre le fonctionnement des étoiles pour étudier comme on étudie les tremblements de terre. On étudie donc les tremblements d'étoiles et alors il y a des très jolies équations pour savoir comment tout ça se propage à l'intérieur de l'étoile. C'est comme si on les auscultait finalement. Vous voyez, c'est comme si on faisait toc-toc avec un stéthoscope. Et chaque vibration est particulière, signe une étoile. Il n'y a pas d'étoiles qui ont la même vibration. On essaye de voir comment les étoiles varient, à quoi sont liées les variations des étoiles, à quoi sont liées l'évolution des étoiles, etc. Absolument. Et sur le Soleil, évidemment, le Soleil est une étoile absolument quelconque. Sauf que c'est notre étoile chérie. Bon, c'est quand même très très important, mais elle a l'avantage d'être évidemment très très proche de nous, donc on peut vraiment l'étudier en détail. Donc ce qu'on apprend sur le Soleil, on essaye après de voir ce que ça donne pour des étoiles qui sont d'un autre type, etc. Donc ça nous sert vraiment de base pour savoir ce que les autres étoiles, sachant qu'on peut l'étudier d'une façon extrêmement détaillée. Et le Soleil qui, si on le voyait de loin, serait une étoile sans variation, a énormément de variations. C'est une unité monétaire, le Soleil. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Bien sûr. Il est 16h23, on vient de parler de notre unité monétaire, le soleil. On en parlera et ce sera le sujet de la dernière partie de cette émission qui est, comme vous l'avez entendu et compris, consacrée aux étoiles. Et oui, c'est un effet de distorsion de la relativité générale. Le temps passe beaucoup plus vite dans un studio de radio qu'à l'extérieur. C'est un mystère qui restera à éclaircir. L'espace est courbe dans un studio radio. Vous avez parlé de deux satellites tout à l'heure, Daniel Brio. Nous sommes également avec Michel Cassé que vous venez d'entendre. Daniel Brio, vous avez parlé de deux satellites, de Corot et de Kepler. Il y a un satellite important qui a été lancé il y a peu de temps, en 2013, le satellite Gaïa, qui doit nous permettre connaître mieux, de connaître plus de ces étoiles. Alors, c'était extrêmement intéressant et c'est aussi une origine française. Alors, le satellite Gaïa, c'est le successeur. Il y a eu un premier satellite qui a été lancé, qui s'appelait Hipparchos, et qui mesurait la position des étoiles. Et en mesurant la position très précise des étoiles, sachant que la Terre se déplace, à ce moment-là, on mesure... Bon, là, c'est évidemment, je l'explique avec les mains. On mesure le déplacement des étoiles les plus proches par rapport aux étoiles les plus lointaines. Et ainsi, on peut déterminer la distance des étoiles. Voilà. Donc, ce qu'on mesure sur le ciel, ça permet d'aller en profondeur. Ça, c'est le principe, n'est-ce pas? Mais expliqué. Et c'était depuis la Terre, c'est très très difficile. Pendant très longtemps, les astronomes, on a vraiment fait des choses absolument remarquables. Mais c'est un énorme travail et avec une imprécision qui est qu'est-ce qu'elle est, quoi. Mais c'est un travail absolument gigantesque. J'ai beaucoup beaucoup d'admiration pour les astronomes qui ont fait ce travail-là. Vous savez, et les observations, et les calculs, etc. C'est vraiment un travail de fourmi, vraiment fantastique. Bon, et puis on a lancé un satellite Hipparchos qui a tellement bien marché, on a eu tellement de résultats. Et alors tous les astrophysiciens ont fait des articles à partir des données obtenues avec ce satellite. Et alors on s'est dit, mais pourquoi pas faire encore plus grand, encore plus beau? Et voilà, et ça donne Gaïa. Et voilà Gaïa qui a été lancée il y a quasiment 2 ans, jour pour jour. Voilà. C'était en décembre 2013. Ça fait 3 ans. 3 ans, pardon, voilà. Tout à fait, exactement. Qui a mis un peu de temps pour arriver sur son orbite définitive, qui tourne à 1,5 million de kilomètres de la Terre, si je ne me trompe pas, à peu près, Michel Cassé. Il est en L2. Il est sur le point. Il est dans un La Planck 2. Lagrange. Il est dans un des points de Lagrange. C'est toujours le meilleur endroit pour mettre des satellites. Absolument. Pourquoi Gaïa c'est si important que ça? Qu'est-ce que Gaïa va nous apprendre? D'abord, il est beaucoup plus sophistiqué. Il a aussi la spectroscopie. Et on va avoir plus d'un milliard d'étoiles qui vont être étudiées. Ça permet d'aller jusqu'au nuage de Magellan. Ça va permettre, jusqu'à présent, pendant les amas d'étoiles, on considérait que toutes les étoiles d'un amas étaient à la même distance. Là, on aura dans la profondeur de l'amas. Donc, on va ça va être fantastique pour connaître la structure de notre galaxie, la Voie lactée, pour connaître même au-delà. Et alors, pour déterminer, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on détermine l'univers, les distances dans l'univers, on commence toujours par les étoiles, les objets les plus proches, et puis on va de proche en proche. Donc, toute la définition de l'univers, la cosmologie, etc., repose sur la distance qu'on a déterminée des étoiles les plus proches. Ça va changer énormément de choses en astronomie et en astrophysique. Et alors, il faut bien comprendre que donc Gaïa a commencé ses observations. Le satellite observe quotidiennement 50 millions d'étoiles. C'est des données, des quantités de données exponentielles. Et donc, ces images vont... La mission doit durer 5 ans. Ces images vont donc donner vraiment beaucoup de grains à moudre à toute la communauté d'astrophysique pendant des années et des années, compte tenu de la masse de données qu'il va falloir traiter. Et c'est précisément, figurez-vous, le sujet de notre reportage du jour. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas. Personne ne sera vraiment surpris de constater que la très haute technologie disponible aujourd'hui, ça rend les observations plus fines. Et oui, la théorie n'irait pas bien loin sans l'expérience et les outils pour l'observation. Et qui dit observation dit instrumentation. C'est le rôle des ingénieurs qui accompagnent les astrophysiciens dans leurs travaux. Je suis allée au laboratoire Galaxie, Étoiles, Physique et Instrumentation de l'Observatoire à Meudon. Ils travaillent sur un banc optique pour le télescope Herschel de Las Palmas aux îles Canaries. Et alors, racontez-nous un peu à quoi va servir ce banc. Alors, ce banc va être utilisé pour le projet WIVE, qui lui-même s'inscrit dans la mission Gaïa de l'ESA dont on a parlé. L'objectif est en fait de recenser plus d'un milliard d'étoiles dans la Voie lactée. Il s'agit en fait de mieux comprendre les différents types d'étoiles qui la composent, l'origine, le mouvement, leur évolution. Et pour ça, Herschel a besoin d'outils puissants pour analyser la lumière qui provient des étoiles, les fibres optiques en particulier qui transportent cette fameuse lumière. Pier Carlo Bonifacio, directeur du laboratoire, et Frédéric Sayed, ingénieur de recherche au CNRS, sont actuellement en phase de test sur ces fibres optiques. Et si tout va bien, leur dispositif sera installé sur le télescope Herschel d'ici fin 2017. Les étoiles tracent la structure de la galaxie. Il faut être capable de mesurer les mouvements des étoiles dans l'espace. Donc notre laboratoire est très fortement impliqué dans la mission spatiale Gaïa, qui va faire des mouvements propres, donc des mouvements de l'astrométrie précis de milliards d'étoiles. Et il va faire aussi des spectres. Donc on a imaginé d'avoir un complément de la mission Gaïa, de l'instrumentation SOL, qui puisse prendre un grand nombre de spectres. Alors je passe la parole à Frédéric. En fait, chaque mode d'observation, suivant si on observe des étoiles simples ou des galaxies qui sont plus étendues, chaque mode d'observation donc nécessite des fibres optiques. Et là, on a plus de 2500 fibres optiques à tester. C'est si important d'obtenir des fibres optiques bien spécifiques pour ce projet. Alors, il faut savoir que un scientifique veut toujours un mouton à cinq pattes. C'est-à-dire qu'il veut quelque chose, il veut un instrument qui colle au plus près à ses programmes scientifiques. Il se trouve que là, les performances qui sont demandées sont extrêmement pointues. On veut que le maximum de lumière qui soit capté par le télescope arrive dans le spectrographe. Donc là, on va tester les fibres ici avec ce banc vraiment en conditions réelles. Je décris le banc maintenant. Donc sur le ciel, on a une étoile. Donc nous, il nous a fallu simuler une étoile. On a ici un système optique qui simule l'étoile. Une fois qu'on a simulé l'étoile, donc on a simulé sa luminosité, sa couleur et sa taille, on va donc avoir un faisceau qui arrive sur un simulateur de télescope, dans son ouverture angulaire, c'est-à-dire on recrée un faisceau qui a le même angle que ce qu'on va obtenir sur le télescope. Donc là, on a un miroir parabolique qui a été fait justement sur mesure avec la bonne distance focale, etc., qui nous permet de représenter l'angle du télescope. Donc une fois qu'on arrive ensuite, donc on a la lumière de l'étoile qui est passée dans le télescope, donc qui est simulée, on arrive sur la fibre optique. En fait, on vient capter toute la lumière qui vient d'une étoile. On essaie de la faire rentrer dans une fibre optique. Donc là, on a un bouton qu'un robot positionneur vient positionner à l'endroit où la lumière arrive sur le télescope normalement. Ce positionnement se fait automatiquement. Gilles Fazola a développé un logiciel qui permet de repositionner le système automatiquement. Alors, il faut savoir qu'une transmission globale, quand on a 25% de lumière, on est content. C'est normal. Il y a énormément de pertes tout le long. On essaie de limiter ces pertes, mais bon, voilà, il y a la physique derrière, on ne peut rien faire. D'où l'importance de la qualité des fibres optiques. Voilà. Alors, on va faire une petite simulation, simplement, pour voir. Voilà, là, on voit la partie slit qui se déplace, qui va aller vers l'objectif qui permet de visualiser directement la sortie de la fibre. D'accord. Donc là, voilà, il est en position. Ensuite, normalement, on vient positionner aussi le bouton. Là, il est déjà en position. On a allumé donc des sources de lumière puisqu'on a plusieurs caméras de visualisation de la tête de fibre. Là, on a allumé donc une caméra qui permet de visualiser le bouton avec son petit prisme. Alors, on a un petit prisme collé au bout du bouton qui fait 1,5 mm de côté. Là, on voit une deuxième lumière qui vient de s'allumer pour vraiment visualiser correctement le bouton. Là, on est en train de changer donc la partie sortie de fibre. On la met devant une lumière qui permet de rétroéclairer la fibre. C'est-à-dire qu'on éclaire la fibre en sens inverse pour arriver à visualiser devant la sortie de la fibre et pour pouvoir le positionner bien correctement et le faire coïncider avec l'entrée du télescope, donc de la lumière sortie du télescope. Simulateur de télescope, bien sûr. Voilà. Donc on peut aller voir peut-être sur l'écran, là-bas. Et là, on voit qu'il y a une mise au point qui se fait automatiquement. Donc Gilles Fazola a développé donc un logiciel qui permet de mettre au point sur la surface que l'on souhaite visualiser. Alors là, en l'occurrence, c'est quoi ? C'est Là, c'est sur le prisme. C'est sur le prisme. Donc là, le principe pour la mise au point, c'est de parcourir la plage de position. et d'étudier pour chaque position le gradient de lumière. Et donc la mise au point la meilleure se fait pour le gradient maximum de lumière. On va arriver. Alors, tout ce banc est automatisé parce qu'on aura plus de 2500 fibres à mesurer. Donc il nous faut une automatisation, il faut que toutes ces tâches soient faites automatiquement. Voilà le projet Weave hein, qui s'inscrit donc dans la mission Gaïa de l'ESA. On entend que c'est un outil technologique assez pointu. Il faut dire que ce sont ces outils technologiques qui rendent aujourd'hui l'observation, l'exploration de l'espace, depuis la Terre en tout cas, sans envoyer de personnes en haut forcément, ou grâce à des satellites, beaucoup plus fine. Hein. La technique vous a permis d'accéder aujourd'hui à un niveau de données qui est évidemment sans précédent par rapport à celui que vous pouvez avoir même en encore 5 ou 10 ans, Michel Cassé. Oui, tout à fait. Et donc, il faut absolument rendre hommage aux techniciens, aux ingénieurs, mais aussi aux informaticiens, parce qu'il est absolument crucial de traiter les données de manière efficace. Et en effet, la révolution est astronomique et technologique. Alors, essentiellement technologique. Oui, je voudrais annoncer deux points. D'abord le principe de base de l'astronomie, c'est que sauf les objets du système solaire qui de plus en plus on peut les atteindre, mais l'objet de notre science, notre recherche nous échappe. Et donc faut attendre, on peut pas atteindre les étoiles, on peut pas atteindre les galaxies. Donc il faut avoir le maximum de possibilités de recueillir toutes les informations qu'elles nous envoient. Donc l'instrumentation en astronomie est complètement fondamentale et c'est à un tel point que maintenant il est plus question d'avoir un seul pays sur un instrument ou peut-être des très très gros pays, mais ce qui fait qu'on est nous on a fait l'Europe, les astrophysiciens on fait l'Europe avant les politiques par la force des choses, voyez-vous. On sait que les données qui vont être traitées par Gaïa, pour Gaïa, ça va être une quantité de données plus gros que ce qu'on n'aura jamais été traité jusqu'à présent. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Les étoiles, dites-moi étoile, pourquoi j'ai vos regards. Les étoiles, dites-moi étoile, qui vous regardera. Volato, lato, rato, lado, lado. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoile, qui vous donnera l'amour? Volato, lato, rato, lado. Les étoiles de Mélodie Gardot, c'est le choix musical de la méthode scientifique et de notre réalisatrice Elisabeth Miro. Il est 16h37, nous parlons donc des étoiles. Vous pouvez toujours nous suivre en direct comme chaque jour sur Twitter en suivant le compte @laméthodefc. Nous sommes en compagnie de Danielle Briot, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris, et de Michel Cassé, astrophysicien au CEA et à l'Institut d'astrophysique de Paris. Maintenant qu'on connaît un peu mieux le champ CHAMP hein, des étoiles, on va remonter le temps et on va essayer, je vous le promettais tout à l'heure, voici la promesse tenue, de comprendre comment elles sont nées, comment elles vécurent et comment elles sont mortes, un peu comme Jesse James dans la chanson de Gainsbourg. Le Big Bang, c'était donc il y a un peu moins de 14 milliards d'années, 13,8 milliards, on le disait tout à l'heure avec Michel Cassé. On a parlé de la formation des premières étoiles, des étoiles primaires qui ont ensemencé l'espace, qui ont conduit à l'apparition des étoiles secondaires, dont notre Soleil et des systèmes solaires. Alors, On a dit tout à l'heure, hein, les étoiles, elles apparaissent dans ces nuages de gaz qui, à un moment donné, alors que l'univers est en expansion, se condensent. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on comprend comment un nuage de gaz interstellaire se condense pour former une étoile? Est-ce que l'univers, est-ce que notre galaxie produit encore beaucoup d'étoiles en ce moment? Deux questions en une, Daniel Briot. Oui, bien sûr. Alors, on pense, je vous dis, un événement qui déstabilisera le nuage, enfin, du moins une certaine région du nuage. Et par exemple, ça peut être, alors on a, par exemple, voir, bon, les galaxies ont des bras. Alors, on n'étudie pas simplement ce qui se passe dans notre galaxie. Bien sûr, on regarde aussi ce qui se passe dans les galaxies extérieures, puisque il y a des choses qu'on voit mieux quand on est en dehors du sujet, de ce qu'on étudie. Parce qu'on n'a pas le nez dedans. Notre galaxie, on a le nez dedans, donc c'est un peu plus compliqué. Voilà, oui. Exactement. Et alors, on voit, par exemple, qu'il y a des étoiles au bord des bras galactiques, et on pense que c'est justement on peut dire le front d'onde du bras galactique quand la galaxie tourne, qui crée des instabilités, qui fait la formation d'étoiles. On peut penser aussi que quand il y a une supernova qui explose, ça peut créer une instabilité, justement, ou des ondes à l'intérieur d'un nuage, et ça peut créer d'autres étoiles. Enfin, voilà quelques exemples qui fait que les étoiles peuvent être créées. Alors, on sait aussi que les étoiles, c'est pas une seule étoile qui est créée, qu'elles sont créées souvent en amas, en groupe, etc. Et que, de toute façon, on sait de plus en plus que le Soleil est une étoile simple, enfin, toute seule, mm-hmm. voilà, avec ses planètes, mais qu'on découvre de plus en plus d'étoiles qui sont des systèmes multiples. Mm-hmm. Alors, des systèmes multiples, justement, on parle souvent hein, de systèmes à deux, voire trois étoiles. Quel est le système le plus complexe qu'on ait observé jusqu'à présent, Daniel Briot ? Oh, je crois qu'il peut y avoir des systèmes à quatre étoiles, peut-être quatre ou cinq étoiles. Mais par exemple, prenez l'exemple, justement, on en a beaucoup parlé ces temps-ci, le système le plus proche de nous, hein, Alpha du Centaure, donc c'est l'étoile la plus brillante puisqu'elle s'appelle Alpha. Bon, alors là, on sait qu'il y a donc... Qui est un système à double étoile. À trois étoiles. À trois étoiles avec Proxima. À trois étoiles, voilà. Donc on a deux étoiles et dont une a peut-être deux planètes. On n'est pas absolument sûr. Et puis alors il y a une autre étoile qui a une autre étoile, donc Proxima, qui est pour l'instant le plus proche de nous. Et la période de Proxima, je crois que c'est 500 000 ans, quelque chose comme ça. Voilà, donc très très long. Mais on sait que l'ensemble se déplace ensemble dans l'espace. Donc on sait que les étoiles sont reliées. Et donc c'est un système avec deux étoiles assez proches qui tournent une autour de l'autre. Et puis une étoile beaucoup plus lointaine qui est la troisième étoile et qui pour l'instant est l'étoile la plus proche de nous et qui a une planète. Voilà. La fameuse Proxima B. Voilà, la Proxima B, qui est un autre problème. Beaucoup mais parlé. Voilà, mais je vous dis, simplement, l'étoile, le système stellaire le plus proche de nous est triple. Mmh. Voilà. Alors, pour revenir à ces nuages qui se condensent, alors je vais vous poser une question simple qui amène une réponse complexe, Michel Cassé. À quel moment s'allume une étoile? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'à un moment donné commencent les mécanismes de fusion au sein d'un nuage de gaz qui se condense? À partir du moment où s'engage la fusion thermonucléaire, effectivement. Mais il faut revenir peut-être un pas en arrière pour se demander quels sont les germes d'étoiles, mmh. quels sont les grains, comment se forme la première étoile. Et ceci nous amène à analyser le rayonnement cosmologique fossile qui est observé par Planck. Et l'on voit les premières formes se dégager d'un substrat indifférencié. Donc les germes des étoiles sont là et des graines d'étoiles. Mmh. Donc la matière se condense sous l'effet de la gravitation, qui est l'attrait de la matière pour la matière. Le centre s'échauffe jusqu'au moment où il atteint une température telle que deux protons, enfin, en nombre considérable, mais le cas typique est la jonction de deux particules qu'on appelle des protons chargées d'électricité positive qui ont tendance à se rejoindre, plutôt à se repousser, et donc il faut que la chaleur transgresse cette répulsion, puisque la chaleur, c'est la mesure, la température, c'est la mesure de l'agitation thermique. Ici intervient la mécanique quantique, parce qu'en théorie classique, il serait absolument impossible aux températures donc de 100 millions de degrés, par exemple, qui est typiquement la température à laquelle se déclenchent les réactions nucléaires. La température centrale du Soleil étant de 150 millions de degrés. Mmh. Donc à cette température, s'il n'y avait pas un effet quantique qu'on appelle l'effet tunnel, donc une sorte de transgression, mmh. il n'y aurait pas de nucléosynthèse. Donc le Soleil et les étoiles sont des astres quantiques. Sans la mécanique quantique, on ne comprendrait pas pourquoi le Soleil brille. Mmh. Et donc c'est à partir du moment où ces deux protons chargés positivement, hein, parce que c'est des protons. Intervient ce qu'on appelle l'interaction faible. Mmh. Qui est l'une donc des sans l'interaction faible, rien n'existerait parce que la structure stable qui va servir de base à toute l'édification des noyaux d'atomes s'appelle le deutérium. C'est un proton et un neutron. Mmh. Donc, quand deux protons se rejoignent, il faut que dans l'intervalle, c'est très bref, un proton se transforme en neutron. Mais lorsqu'un proton se transforme en neutron, s'envole un neutrino, qui est une particule qui vous traverse, et d'où l'existence d'une astronomie nouvelle, qui est l'astronomie des neutrinos, qui est absolument somptueuse. Donc, astronomie des neutrinos et astronomie des ondes gravitationnelles viennent s'ajouter à l'astronomie optique et électromagnétique. Revenons à cet allumage du soleil, parce qu'il nous reste qu'un quart d'heure et que j'aimerais qu'on parle de la mort des étoiles aussi pour conclure. Ça prend en combien de temps et qu'est-ce qui va déterminer la masse d'une étoile au moment de sa formation? Parce que si j'ai bien compris, on a quand même encore du mal un peu à établir des modèles pour dépasser l'accrétion de 5 à 7 masses solaires. On ne sait pas très bien comment. On va simplifier. Alors, c'est tellement difficile que c'est l'observation qui gouverne. Donc Gaïa va nous donner la proportion d'étoiles massives par rapport aux étoiles légères, et c'est ce qu'on appelle la fonction de masse initiale, on la trace à la main. Donc on observe, pour l'instant, il est très difficile de l'expliquer. Alors ce qu'il faut savoir quand même, là je me permets d'intervenir, c'est que les étoiles de petite masse, on ne les voit pas beaucoup parce qu'elles sont, justement, elles rayonnent très peu, mais elles sont extrêmement nombreuses. Elles sont beaucoup plus nombreuses que les géantes et les supergéantes. Elles sont beaucoup plus nombreuses que les étoiles bleues. C'est 1 pour 1000, c'est ça? Oui, c'est quelque chose comme ça. Ce qui fait que si on prend la liste des étoiles les plus brillantes et la liste des étoiles les plus proches, c'est pas du tout la même chose, voyez-vous. Bien sûr, il y a des étoiles brillantes qui sont proches, mais il faut savoir que donc dans le processus de formation, les galaxies, c'est surtout faire des petites étoiles. Bien sûr. À la limite, les autres étoiles, c'est presque des exceptions. Mais c'est très, très, très important. C'est très important parce que Parce que les éléments lourds se forment au cœur des traits des brillantes étoiles, des très chaudes étoiles. Les éléments lourds comme Jusqu'au fer, voyez-vous. Et puis Donc pour simplifier, le Soleil, Michel Cassé, produira du carbone et l'oxygène qui fourniront la matière de la naine blanche. Donc le Soleil gardera dans un bas de laine les produits de son alchimie. Les étoiles les plus massives produisent quantité d'éléments et les offrent aux nuages environnants. Donc les supernovas sont les étoiles révolutionnaires. Le Soleil, c'est une étoile de la majorité silencieuse, en gros. Alors, il y a plus de petites étoiles que de grosses étoiles, parce qu'il est plus simple de faire le petit que le grand, de manière générale. Le grand est essentiel. Le grand est essentiel, donc ces étoiles sont extrêmement rares, en effet, mais elles sont généreuses. Et elles finissent leur existence en se détruisant, et en éjectant dans l'espace des produits absolument indispensables à la vie. Féconds. Donc ce sont les fameuses supernovas, ce sont que les supergéantes qui terminent en supernova. Étoiles doubles aussi, Des étoiles doubles qui justement, quand l'une explose, qui est un système entre les deux, l'équilibre entre les deux. Il y a échange de matière, à production de paires qu'on appelle. Ce sont les supernovas de type 1A, celles qui en cosmologie ont permis de comprendre que l'expansion de l'univers s'accélère. Donc les supernovas, outre le fait qu'elles donnent de la matière aux nuages environnants, sont utilisées maintenant pour jalonner l'univers, et donc elles ont une importance cosmologique considérable. Elles ont permis justement une très grande découverte qui est l'accélération de l'expansion de l'univers, et donc de l'énergie noire. Pour illustrer ce que vous disiez à l'instant, Michel Cassé, à savoir que ces supernovas ensemencent l'univers alentour en explosant sur des distances évidemment astronomiques au sens propre du terme. On sait par exemple que le système solaire a été arrosé, disons-nous, il y a environ 2-3 millions d'années, c'est ça? On a trouvé des traces d'un isotope du fer qui montre que... Le fer 60 sur la Terre et sur la Lune. Oui. Un isotope qui est produit, alors lui, effectivement, uniquement par les supernovas. Mais Daniel disait en effet qu'un ébranlement lié à une supernova peut en effet produire une génération nouvelle d'étoiles. Mais il faut savoir aussi que les supernovas présentent un danger, et ça nous amène à nous interroger sur la zone galactique habitable. Où est dans la galaxie la zone propice à la vie? Le centre de la galaxie est trop riche en étoiles. C'est downtown, c'est très éclairé. Et là, il y a trop d'explosions. Le bord est appauvri, n'est pas assez riche en éléments lourds pour produire des planètes. Donc, nous sommes des banlieusards, mais bien placé dans la zone, justement, qui n'est pas trop menacée par les supernovas et qui dispose d'éléments lourds comme le silicium et l'oxygène pour produire des objets comme des planètes. Parce que les supernovas, quand elles explosent, elles ensemencent certes, mais elles envoient aussi des rayons gamma. Exactement, qui détruisent l'ozone et qui détruisent l'atmosphère et qui rendent, disons, le sol des planètes alentours invivable. Et là aussi, arrêtez-moi si je me trompe, on suspecte qu'au tout début de sa formation, la Terre a été soumise à une supernova. J'ai lu ça. L'une des premières extinctions de masse pourrait être le fait d'une supernova qui a explosé il n'y a pas très loin. Il semblerait que le système solaire ait été formé par un ébranlement lié à une supernova. Puis évidemment, depuis que ça a été formé, le système solaire, il s'est déplacé dans la galaxie. Oui. Donc, c'est aussi un des intérêts d'étudier les étoiles, par exemple, d'étudier les étoiles chaudes, parce qu'elles sont très jeunes, elles disparaissent très très vite, elles vivent que quelques millions d'années. Donc, c'est les étoiles chaudes, les étoiles bleues, quand on les observe près de leur lieu de formation. Donc ça donne aussi des quantités d'informations sur la formation des étoiles, sur les lieux de formation des étoiles. Parce que les autres, elles ont eu le temps de se déplacer. À l'inverse, j'ai des collègues qui étudient au contraire les étoiles les plus vieilles. Voilà. Alors, pour étudier les étoiles les plus vieilles, on cherche celles qui ont le moins d'éléments lourds, puisqu'elles ont été formées à partir d'un milieu qui n'avait pas été enrichi par des explosions de supernova. Mmh. Parce que ça a été formé il y a très très très longtemps. Donc, c'est comme ça qu'on sait qu'une étoile est vieille. Alors, expliquez-moi également... comment est-ce qu'on aboutit, puisque la plupart des étoiles, on va faire vite parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, s'effondrent sur elles-mêmes, se concentrent et donnent naissance à des naines blanches ou à des naines noires. Pas les trous noirs. C'est ma question. Oui, alors, comment on arrive les trous noirs. Le premier point, c'est que la mort est anthropocentrique ou anthropomorphique. Les étoiles ne meurent pas, elles passent d'un état de perfection lumineuse à un état de perfection obscure. Une étoile brûle, ses différents combustibles, l'hydrogène devient hélium, l'hélium devient carbone, le carbone devient oxygène, l'oxygène devient magnésium ou silicium, le silicium devient fer, stop. Le fer ne brûle pas, pourquoi ? Parce qu'il a intérêt à se mélanger à personne. Brûler, c'est justement admettre une liaison avec autrui. Or, le fer étant le noyau d'atome le plus solide, n'a intérêt à se marier à personne, donc il ne brûle pas. Et il ne produit pas de chaleur. Or, la chaleur s'oppose à la gravitation et donc à l'effondrement. Si le fer ne brûle pas, le cœur de l'étoile s'effondre, il durcit et devient, comme une pierre, mais comme une balle de caoutchouc extrêmement comprimée. Cette balle, à un moment donné, se détend, n'accepte plus d'être comprimée, envoie une onde de choc, et c'est l'onde de choc qui détruit l'étoile. Donc voilà ce qui se passe. Maintenant, si la masse du cœur de fer est supérieure à 2 masses solaires, se produit un effondrement sans retour et le résidu, l'objet final, s'appelle un trou noir. Ça me donne l'occasion de dire, parce que je vous l'ai promis, que l'or est produit par la collision de 2 étoiles à neutrons, non pas de 2 trous noirs. Donc, l'origine de l'or était jusqu'à présent extrêmement débattu et, disons, obscur. Et la théorie actuelle, c'est que 2 étoiles à neutrons, par collision, produisent l'or et l'uranium, donc les éléments très lourds. Ce que les supernovas classiques, celles que nous venons de décrire, sont incapables de faire. Donc tous les éléments, maintenant, trouvent une explication et chaque type d'étoile se voit associé à un élément ou à plusieurs éléments. Et donc, il est faux d'associer Mars au fer. Ce n'est pas parce que Mars est rouge comme la rouille que Mars est guerrier. Mars est une jeune fille. Alors, il nous reste très peu de temps, mais j'aimerais qu'on dise un mot de notre étoile qui est si banale et en même temps si chère à notre cœur. Dans combien de temps, Daniel Briot, notre Soleil va devenir infréquentable ? On pense qu'on a à peu près 5 milliards d'années devant nous. Voilà. Donc, alors à ce moment-là, le Soleil va devenir une géante rouge avant de... Bon, il y a certes la fin de la vie de l'étoile, on connaît ce qui va se passer quand même. Et donc là, le Soleil va devenir une géante rouge, il va grossir. Alors, je ne sais pas très bien, et je ne sais pas si quelqu'un le sait, s'il va englober les planètes ou s'il va repousser les planètes. Hein, ça, je ne sais pas. Mais bon, alors d'ici là, d'ici 5 milliards d'années, on aura peut-être trouvé une solution si l'humanité existe encore. Oui, ou nos successeurs. Les cafards ou les méduses. Voilà. Donc, non, mais c'est quand même, ça risque d'être une fin du monde assez catastrophique quand même. Moi, je l'aime beaucoup parce que venu des étoiles, nos atomes retourneront aux étoiles. C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Ah oui. Oui, c'est magnifique. Parce que le soleil va certainement évaporer la Terre et donc les atomes des morts ensevelis sous la glèbe seront dans le soleil. Est-ce qu'il a encore des mystères pour nous, ce soleil, Daniel Briot, en quelques mots? Oh ben oui, bien sûr. Bien sûr. En particulier, il y a une chose, je crois que ça, on ne le sait pas. Vous savez, le soleil a un cycle de 11 ans. Oui. Hein, alors on le mesure donc par les taches solaires. C'est la première façon de le mesurer. Donc ça, c'est connu donc depuis Galilée, puis les contemporains de Galilée. Mais il y a également toutes sortes de phénomènes quand on a un soleil actif. Et on ne sait pas pourquoi il y a certains cycles, donc le cycle de 11 ans, pourquoi certains cycles sont très très actifs, d'autres beaucoup moins actifs. Avant le cycle précédent, là, il y a eu pendant, je crois que c'était 2 ans, il n'y a pas eu de tache solaire. Alors on essayait de faire, dans les salons des sciences, on avait des instruments qui montraient le soleil au public, mais il n'y avait rien à voir. Et ça a duré beaucoup trop longtemps. Et on ne sait pas pourquoi il y a eu si longtemps un passage sans tache. Et ça, alors l'observatoire de Meudon, en particulier, donc qui a été créé par Janssen en 1866, quelque chose comme ça. Donc il y a à ce moment à peu près, hein, voilà. Mm-hmm. Bon, 1870. Bon, donc étudier le Soleil. Donc on a fait depuis là, mais maintenant ça se fait également en radio, ça se fait, c'est une étude à travers le monde. On étudie le Soleil et l'activité solaire, c'est complètement fondamental à connaître. Et il faut savoir pourquoi de temps en temps. C'est plus grand, c'est plus important. Ça, je donne un des mystères, oui, mais il y en a évidemment bien d'autres. En un mot, la fin du cycle de 11 ans dans lequel le Soleil est, c'est dans combien de temps? On vient de commencer un cycle, on est au milieu, on est à la fin du cycle, on le sait, ça? Attendez, j'ai léché ça dans mon... Bon, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, en tout cas, c'est la fin du cycle de une heure. Je vous dis, voilà, en 2000, on était en haut d'un cycle, donc là, on doit être à peu près on doit être dans la pente descendante avant la fin du cycle. Écoutez, merci beaucoup en tout cas à vous deux. Merci Daniel Briot, merci Michel Cassé. Vous avez plein d'images sur notre compte Twitter @laméthodefc. On vous a mis le fond diffus cosmologique, on vous a mis les supernovas qui explosent. Vous avez tout, vous pouvez nous suivre. Et puis si vous avez raté des bouts de l'émission, vous pouvez la réécouter en podcast sur le site de France Culture, franceculture.fr. Merci également à toute l'équipe de la méthode scientifique, Vétier, Céline Lozen, Léo Quentin, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, à la réalisation Elisabeth Miro, à la technique Bruno Gagnère-Fontani et au droit d'auteur Charles Barjou. Dans un instant, le journal de 8h, on se retrouve demain à 7h pour la suite de ce best-of de la méthode scientifique, jusqu'à preuve du contraire.